Seigneur, t'aimer dans ma vie, il ne sera plus un simple mot. Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime. Je voudrais te laisser. La copine, la copine, oh, la copine. Écoutez mon âme, la ligue, la ligue, la ligue. Oh, qui vient de moi. Ne sera plus. Un seul mot. Alléluia.